un peu vieux quand même. T'as les poils en dessous du menton, t'es forcément vieux. Cheveux blancs. On est toujours dans la 25e sur Radio Sud, radiosud.net, 101.8, la 25e, 22h minuit, tous les jeudis, et tous les deuxièmes jeudis du mois, bah là c'est le troisième, hein, parce que c'était, voilà, c'est le tonton Jojo qui sera avec nous, Rizzo, donc pour la chronique de Jojo pendant 2 heures. Donc c'est diffusion de morceaux aujourd'hui, on découvre, on écoute. Nous aussi on est des auditeurs ce soir autour de la table. En enchaînement, nous allons enchaîner directement par un petit son. Donc ça c'est mon plaisir personnel, c'est le frérot Kels, donc mon frérot de Suisse. Est-ce qu'on l'a ? Gros big up à mes Suisses. Attends, RTZ. Si, t'inquiète, c'est noir et blanc, c'est le morceau noir et blanc, mon ref. Yes. Du frérot Kels, le clip est sorti, disponible, vous pouvez aller voir, c'est une tuerie. Gros big up au frère. Le frère fait un travail écrit dans ce qu'on pourra appeler le sombre, le dark. Et j'affectionne beaucoup son travail. Et gros big up à lui. Donc c'est tout de suite, c'est le frérot Kels avec le morceau noir et blanc. Le clip est en couleur ? Le clip est en noir et blanc. Chrysanthème noire sur un berceau blanc et les sourires se forcent. Sur les visages des proches, on nous a cousu des tissus de mensonges pour nous couvrir le torse. Quand il fait froc, le paysage est moche. Je voulais mourir, on m'a nourri de force. On m'a pourri, qu'est-ce qu'on ferait pas pour un sourire de gosse? Pour que ces mirages m'écorchent, j'ai brûlé ma vie tant de foutu année. Tu la vois pas parce que la douleur est sous-cutanée. J'ai jamais regardé que le bout du tarpé. Les matins noirs ont le goût du café. Mes bourreaux aimeraient que la douleur dure, que la mort me gangrène. J'ai peint ma peine avec des bouts de cœur purs. Aux couleurs lutte sur mon corps de trentenaire. Je suis un connard, la même sorte que grand-père. C'est mon diable qui chante avant que je vous transforme en tas de viande. Bande de larves vivantes, des roses blanches sur un cercueil noir. Toutes ces larmes brillantes, de quoi faire scintiller ton visage terne. Puis ce fameux silence, les pieds et mains liés, je confie ma peine à des garces sirens, mais y'a que moi qui a compris ta haine. Souffre d'un mal immense, nuages de rage ont assombri la plaine. T'es déjà mort si t'as plus l'âge de te battre. Je vois les balles qui dansent, la bête est là et dans ses larges pattes. Il reste un peu de tes larmes vibrantes. J'écris ces cages de race et bâches de rap avant que je vous transforme en tas de viande. Bande de larves vivantes, les rives du mal ont pas de plage de sable. Et ça les lâches le savent. C'est toujours de mentir qui gâche le trac. Écoute petit, c'est mon diable qui chante. J'ai toujours essayé d'être bon, cacher ma haine sous mes édredons. J'en veux au diable et au maître de ce monde, c'est je suis qu'un mec de longue maigre longue. J'aurais peut-être voulu naître blond, j'ai passé ma vie blotti au creux des serres de ce monstre. Dans ce désert de honte, on m'a servi que ce dessert de ronces. J'aurais dû saigner ce traître me bon, j'y ai passé ma vie à nager dans les glaires de ce monstre. Ouais, à nager dans les glaires de ce monstre. Le gordo à la prod, mon frère. Mon diable qui chante. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Voilà, c'était le frérot Kels. Avec le morceau noir et blanc. Tu sens ce genre de... Tu vois, cette touche glacée, là, ce truc où t'as l'impression que tu vois... C'est morbide. C'est tellement beau. C'est ça, tu vois. La profondeur de la musique qui ne... Le clip est déjà sorti ou il va... Ouais, le clip est sorti. Tu peux aller sur YouTube. Tu tapes Kels noir et blanc. Tu vois, le clip va exactement, justement, avec cette ambiance glaçante. Kels, K-L... K-E-L... comment? Comme R. Kels. Apostrophe S. Apostrophe. Yes. Allez, tape. Étape, noir et blanc, K-E-L apostrophe S. Mais voilà, donc ce soir, il y a plein d'artistes, ça part dans tous les sens. Il y a beaucoup de sons qui passent vite, mais bon, voilà, c'est aussi ça le rap dans ce pays, parce que voilà, on parle de rap là. On parle pas de le truc, il y a pas de commercial, il y a pas de direction nana, il y a, et c'était aussi important de mettre ça devant parce que bon, j'ai ralenti les débats, mais la vérité est que il y a plein de jeunes qui disent par exemple écouter du rap mais qui considèrent des trucs comme du rap, mais c'est pas vraiment du rap, même si qu'on s'en fout, qu'on respecte ou pas, on n'est pas là à dire c'est bien ou c'est pas bien, c'est pas ce qu'on dit, c'est que il faut appeler un chat un chat, tu vois. Et il y a des jeunes, ils disent aujourd'hui que par exemple le rap c'est la musique la plus écoutée sur toute la France, alors que c'est vrai, dérivé du rap. Si on reprend à la base un discours de un Zemmour, je m'autocensure, on en a un qui disait que voilà, le rap c'était un truc limite d'attardé. Aujourd'hui c'est devenu, voilà, selon les médias en général, la musique la plus écoutée en France. Mais la question est-ce que c'est vraiment toujours du rap que les jeunes écoutent? Voilà, c'est là où il faut se poser la question. C'est un style de musique, c'est un style qui peu importe le style, mais je veux dire, voilà, se poser la question, est-ce que c'est vraiment du rap? Donc ça fait plaisir aussi de passer un petit peu de, voilà, la vision du rap et de voir voilà, ce que nous on appelle le rap. Yes. Normal que tu bégayes mon discours à tes propres et sans fioritures. Le gars, il est venu, t'as tout foiré. Il a bégayé. Je suis sur le clip de Kels, là, je reviens juste là-dessus. Je conseille vraiment. Hein. T'as vu l'ambiance, t'as vu le bail. C'est quelque chose. C'est pas du, tu vois, il n'y a pas de petit travail. Tu vois ce que je veux dire, c'est quelque chose. Le frère t'emmène vraiment dans son univers, dans son monde. Mais il n'est pas tout à fait en noir et blanc quand même. Je vais lui envoyer un petit message. Ah, fallait que je te réponde vite, tu vois, c'est pour ça, tu vois. Tu m'as posé une question, j'ai répondu. C'est un peu le principe. Allez, on va enchaîner. Ce soir sur Radio Sud, dans la 25e, la petite chronique de Jojo, on va en serrer. Tiens, avec... le petit poteau, Altesse C2H. T'énerve pas. Altesse C2H, le morceau Renaissance. Un poteau, et j'en place une pour faire une dédicace au poteau d'Ether Vince. Et à tout le Son of Melody, toute l'équipe avec qui je suis descendu travailler il y a pas longtemps à Lyon. Passe un bête de moment, le morceau est disponible, le clip est sorti, le projet des Son of Melody ne va pas tarder à sortir aussi derrière. Donc là, on enchaîne avec le poteau Altesse C2H Renaissance. Départ, la redescente n'était qu'une accalmie. Trop défoncé, j'écrime des rimes qui ne sont même pas calées. La renaissance se trouve juste à deux pas du paradis. Tends bien l'oreille et t'entendras des démons bavarder. Altesse des terres, on vient pour faire débugger la matrice. Sur un putain de violon qui a du caractère. J'finis ce texte et j'roule un gros joint cannabis. Le feu se répand, les mots remplacent les canadaires. Et quand j'y pense, ce putain de bon vieux rap me rassasie. Me permet d'exprimer les délires ressassés. J'représente les miens des SOM à catharsis. Et tant mieux si on boit comme un de ces gâtarés. Cette renaissance reflète la douleur de ce cataclysme. Je ferme les portes du mal et puis je garde la clé. À ce faire si je crois qu'au fond je n'ai plus qu'à partir. Après avoir interprété mon aparté. Journée de mes cendres, si près de la renaissance. Une gueule de bois, un cœur de pierre, c'est tout ce que je représente. En renaissance, une pluie d'acide et tous mes refrains sentent. Je fais plein d'essence et puis je me tire là où le feu se répand. Je renie mes chances. Si près de la renaissance, on vit une fin de séquence et ça de janvier à décembre. Habitué tout ça ne nous semble même plus aberrant. Le barrier répare les pannes qui viennent encrasser le temps. Autour de moi la renaissance c'est que je m'assagis. On se trouvait pas du tout méchant, c'est en anarchie. Sous les temps croire en toutes mes chances comme au loin de la magie. Je courais sans voir les vraies raisons de tout ce qui m'a sali. Je rase ma salive, nos six vents passent pour toute la galaxie. Je voudrais que ma vie puisse nous guérir de toutes nos maladies. Chaque fois que je perds je renais plus fort sur le tatami. Dans un couplet c'est toute ma colère que je canalise. Les secrets ne tiennent qu'à des crétins qui te baratinent. Protège ton monde entre tes mains avant qu'on te chasse à vivre. Chasse la vie dans ce bas monde et ne rabat ta cible. Fataliste en guise d'antidote, on se bute à la tisse. Ton cœur ta carabine, ton sourire ta carapace. J'ai un crayon mais pas la mine, dur de se remettre à la page. La renaissance assassine même ceux qui se croyaient incassables. Je dessine des visions dramatiques comme un cadavre sous un tassable. Journée de mes cendres, si près de la renaissance. Une gueule de bois, un cœur de pierre, c'est tout ce que je représente. En renaissance, une pluie d'acide et tous mes refrains sentent. Je fais plein d'essence et puis je me tire là où le feu se répand. Je renie mes chances. ivré de la renaissance. On vit une fin de séquence et ça de janvier à décembre. Habitué tout ça ne nous sent même plus aberrant. Le barrier répare les pannes qui viennent encrasser notre époque est plus que difficile, je finis d'en tirer ses ficelles. La nature est en déficit et c'est aussi rare que ses ficelles. Ces récits ternes ne changeront rien car toutes mes blessures plaisent. Sans précis guerre, le renouveau ainsi que leur univers. Je remercie le ciel de pouvoir décrypter tous ces pixels. Les décibels font couler le sang de tous ces infidèles. Nos gueules capotées représentent les dures lois d'un système qui te force à bosser toute ta vie pour payer ta civière. Faut que ton état civil, le printemps, un état d'ivresse. Et si la vie est un navire, on prendra le capitaine. Les paris se perdent et pour gagner ce match, y'a pas de mystère. Partie de R, on présente l'Aquitaine en patrie faible. Je crois que je m'y perds comme un aveugle qui parle à ce gars qui traîne. Pas l'hiver, y'a qu'en été, appréciera l'hiver. Faudra t'y faire, rien de gratifiant quand les voix se manifestent. La renaissance viendra du vent qui tourne à manivelle. J'en ai de mes cendres, si près de la renaissance. Une gueule de bois, un cœur de pierre, c'est tout ce que je représente. En renaissance, une pluie d'acide et tous mes refrains sentent. Je fais plein d'essence et puis je me tire là où le feu se répand. Je remis mes chances, si près de la renaissance. On vit une fin de séquence et ça de janvier à décembre. Habitué tout ça ne nous sent même plus aberrant. Le barrier répare les pannes qui viennent encrasser le temps. Radio Sud. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. On refait le match. Alors, parlons-en, reparlons-en encore, parlons-en encore. Juste finissons là-dessus. Ben, voilà. Tous les ans, c'est la même rengaine. Voilà, le premier match, on tape le Bayern. Vous êtes toujours dans la 25e. Vous êtes toujours dans la 25e. Nanani, nanana. Et puis au final, on ne sait pas de quoi il parle. C'est la 25e minute, non, là. Non. Et au final, dès que ça sort des poules, petit gif. Allez, sortez, s'il vous plaît. Ça se mange des remontadas imaginaires avec un arbitre qui siffle plus d'anti-jeu que... Oh. Hey, ça parle de Paris. Non, il y a pas longtemps, là. Genre, cette semaine, j'ai re-regardé le résumé du Barça PSG, quand même. Alors, point par point. 6-1. Volé. Non. Ils ont volé, ça. Ils ont volé. Ils ont... Ça aurait pu se finir quand Di Maria aurait dû faire la passe en retrait à Cavani. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah là. De toute façon, regarde, on est là. On va se revoir. Appelle-nous ton équipe. On est là. On va se revoir. On est la club. On va se revoir en février-mars. On est là. Tu vois ce que j'ai dit? Dis-moi. Ce que j'ai dit. Appelle-moi. On est là. Ils vont taper tout le monde en poule. On est la club. Mais dès qu'ils vont sortir, poussez-vous. On se revoit en février-mars. Merci, CR7. On est la club. Les Bouguerons sur le terrain d'Ambolo. Merci, CR7. La prédiction. C'est tout pour moi. Ça y est. Toi, t'es de la Juve depuis qu'il y a CR qui s'est pointé, toi. Toi, t'es de la Juve comme... Non, moi, je suis un bouc du Real, moi. Moi, je suis un bouc du Real, moi. Au calme, coulez. Il n'y avait personne hier. Hier, il n'y avait ni Real, rien n'était réel hier. Coulez. On verra ça. Bon, on va revenir dans les choses importantes. Comme une victoire de Paris. Non, là, je me suis fait un petit plaisir. On va enchaîner avec le frérot Paco. Frérot Paco et Manny Days. Paco Rabanne. Là, c'est qui encore... Non, pas du tout. Pas du tout. Tu as dit n'importe quoi. Non, mais tout de suite. Tu sais ce que ça veut dire, Paco, en espagnol? Ça veut dire François. Voilà. Et c'est... Mais ça peut... Oui. Ouais, mais non, parce que n'importe quoi. Ah si. Bah ouais, mais son vrai prénom, c'est pas François, tu vois. Non, mais en espagnol, c'est François. Mais d'où, d'où? Ouais, mais espagnol de quoi? Espagnol d'Angola. Espagnol. Espagnol d'Angola. C'était la petite minute. Voilà. Mais d'où? D'où? C'est la minute culture. Parce qu'en plus, tu vois, son prénom, c'est pas François, en fait, son vrai prénom, non, mais tu vois. Bah, en Espagne, si tu... C'est la minute LV3. Voilà, c'est ça, c'est Paco. Non, c'est tout. LV4. C'est comme en André, c'est Andrew. Toi, c'est espagnol mandarin, toi. Non, mais ça se ressemble tout le temps. Espagnol mandarin, quatre. Normalement, ça se ressemble. Non, par exemple, Jean en portugais, c'est Juan. Oh. Ça se ressemble. C'est Juan. Et toi, deux S, c'est Juan. C'est Juan. Non, allez, gros plaisir, un gros big up à lui. Grosse pensée aux frérots Paco et Manny Days qui ont ressorti un album il n'y a pas très longtemps et c'est une flinguerie de ouf. Pac-Man 2, je vous le conseille, allez le pécho si vous l'avez pas encore, c'est de la pure tuerie. Gros big up au frérot. Ok. Mon rap et moi. 20 ans que ça dure normalement. Rap et moi. Putain. ça. Ok, je suis désolé, mon rap et moi on a des choses à vous dire. On a des bouches à fermer, des portes closes à ouvrir. On a des causes à soutenir, tellement d'idées à défendre. On a des doses à fournir, de janvier à décembre. Mon rap et moi on a cravaché, pas lâché, partagé, voyagé. Crois-moi j'étais passager, attaché. Ça jamais présent dans les dérapages. Peu d'argent dans les bagages, de la rage dans la trachée. Ah ça chier Toto, c'était l'âge où j'emballais des lolos. L'âge où tout mon entourage me demandait y aller mollo. La belle époque c'était bon d'aller lâcher des poteaux, 40 balles et j'ai l'air con à recracher des yo-yo. Lui et moi c'est viscéral, ce destin je le vois. Le feu de joie s'est éteint, la vie laisse bien peu de choix. Préviens d'avance le croupier, c'est certain je me noie. Histoire de chance, de coup de dé, ce n'est qu'un jeu de loi. Je lui parle, il répond présent. Sas de décompression, tout le temps je serai capable de m'effondrer sans. Lui et moi c'est la passion, c'est l'émotion, les pensées. Il m'a déjà dit c'est trop sombre, gros faisons les danser. Je lui parle, il répond présent. Par saut des cons, mais le sang, tout le temps je serai capable de m'effondrer sans. Ne vise pas trop l'excellence, écoute la leçon quand même. Fidèle à nos références, on fera le son quand même. On est hors jeu, dépassé, faut qu'on tienne un peu le coup. De fou, on n'est pas axé, on est comme un vieux couple. On se parle plus, on s'accroche, sans tension mais torché. C'est ma burne, mon bras gauche, ensemble on s'est forgé. Deux choses, on préconise la qualité, l'hygiène. Déniche une prod égoïste, je vais la niquer si j'aime. Bien souvent, obscur et grise, un tas d'idées qui germent. On est comme Q et Smith, comme Jackie et Michel. Avec les crocs, débuté, j'étais motif d'art frérot, j'ai lutté, pas très haut, j'ai chuté. La débauche fait du pied, elle est fautive. Je le fais pas pour t'éduquer, ni pour faire le beau chéruquier. Ça pue la cendre, fatalité n'est-ce pas. La plupart se mentent, pensent qu'à trafiquer les stats. L'art est falsifié, la trappe à maquiller mes rap. J'suis comme un chien à trois pattes, la quatrième est rap. Je lui parle, il répond présent. Sas de décompression, tout le temps j'serais capable de m'effondrer sans. Lui et moi c'est la passion, c'est l'émotion, les pensées. Il m'a déjà dit c'est trop sombre, gros faisons les danser. Je lui parle, il répond présent. Par saut des cons, mais le sang, tout le temps j'serais capable de m'effondrer sans. Ne vise pas trop l'excellence, écoute la leçon quand même. Fidèle à nos références, on fera le son quand même. Je lui parle, il répond présent. Sas de décompression, tout le temps j'serais capable de m'effondrer sans. Lui et moi c'est la passion, c'est l'émotion, les pensées. Il m'a déjà dit c'est trop sombre, gros faisons les danser. Je lui parle, il répond présent. Par saut des cons, mais le sang, tout le temps j'serais capable de m'effondrer sans. Ne vise pas trop l'excellence, écoute la leçon quand même. Fidèle à nos références, on fera le son quand même. Radio la 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. Voilà. 22h, minuit. Radio-Sud.net 101.8. Donc Pac-Man 2 de Paco et Money Days, toujours disponible à l'épêche. Ça, c'est que de la tuerie. C'est que de la tuerie à la suite. Là, on va enchaîner direct par le petit frérot Mirsa de Belfort. Samir. Big up à tout KDLR, big up à toutes les équipes, big up à tout mon 90-10. Khadero, Yahya, Derka, mon ancien 8-7. Les gars du 10, tout le monde, tous les coins, RZD. Glacy, Arceau, La Méchelle, dédicace à tout le 90-10, dédicace à tous les frérots. Ah là, on enchaîne avec Mirsa l'ancien, morceau de Change. Mais attends, Mirsa, c'est un rien, celui. Est-ce qu'il est chauve? Mais non, mais gros, KDLR, ça te dit rien? Mirsa, Belfort, non, ça te dit rien du tout? Non, Berka. Mais est-ce qu'il est chauve, Mirsa? Il a une belle chevelure, plus belle que la tienne. Ah ouais, ok. Non, t'es en train de déconner là. Non, parce que quand j'étais plus jeune, j'écoutais un Mirsa. J'écoutais un Mirsa, il m'est venu de Metz par là. Non, c'est pas ça, c'est Belfort, frère. Ouais, non, mais ouais. Belfort 90-10 encore, dédicace peut-être à tous les frérots. Peut-être Metz, dédicace dans le, à dans le toutes les personnes là-bas, gros big up. Se fait, ce ne sont pas des choses qui se font. J'ai pas envoyé toutes mes deux femmes et dans ton équipe, tous les rappeurs sont faibles. Je m'en bats les couilles, pas être invité à voter. En toute amitié, je can boy, je suis à l'extrême, ça passe. Tu entends que c'est un putain de film d'horreur. Parfois il me faut du temps pour écrire un 16 et parfois je le plie en moins de 2. Si tu cherches la guerre, c'est pas de film. J'suis sûr qu'à la fin il y aura pas de happy end. Au quartier, on a déjà tourné la M2. Pas la peine de faire les gueudins. Permettez que je le fasse, fermer des gueules. Fais des meurtres, fais des heures en tue, toujours passe plein. Plein, ne crois pas qu'on se plaint, c'est pas le genre de la maison. Même les plus grands gangsters gardent la raison. Ouais, faut qu'on casse la baraque, on fait face à la dèche, on fait semblant que ça va. J'suis dans les bails de Yes Weekend, et ça bien avant Obama back. J'pense à mes frères qui tombent à la rate. Valais le coup que t'en bombes à la rage. J'attends pas de changer les choses, non. 20 ans j'ai tant fait de faute. On trouve refuge dans ce qui nous fait défaut. C'est la vie qui a fait nos défauts. Hey, entre faux et vrai, tout se confond au fond de la fosse. Pour affronter la vie, faut de la force. Ou le mal à t'approcher à coûter que coûte. J'attends pas de changer les choses, non. 20 ans j'ai tant fait de faute. On trouve refuge dans ce qui nous fait défaut. C'est la vie qui a fait nos défauts. Hey, entre faux et vrai, tout se confond au fond de la fosse. Pour affronter la vie, faut de la force. Ou le mal à t'approcher à coûter que coûte. Pas de panique, ça le fasciné. Rappe la vie, le quotidien pas de ciné. Propose un produit raffiné. Que de l'inédit, la force des inédits à chaque finale. Bang, bang, bang, tout est carré. J'ai la concurrence sous mes doigts de pied. Tous le même flow dans ce fleur. Y'a plus de respiration, sont tous en apnée. 100% calme, c'est les blagues de l'année des années. En vrai ils sont fanés, canés les tous. MC complet, j'ai la gouache et le juice. Tu cours après Chuka comme poisson derrière son appât. Nous on mord pas à l'hameçon. Remballe tes vieux bras là, la con qui braille des inepties au chromie en avalant trop. Blah. J'attends pas de changer les choses, non. 20 ans j'ai tant fait de faute. On trouve refuge dans ce qui nous fait défaut. C'est la vie qui a fait nos défauts. Hey, entre faux et vrai, tout se confond au fond de la fosse. Pour affronter la vie, faut de la force. Ou le mal à t'approcher à coûter que coûte. J'attends pas de changer les choses, non. 20 ans j'ai tant fait de faute. On trouve refuge dans ce qui nous fait défaut. C'est la vie qui a fait nos défauts. Hey, entre faux et vrai, tout se confond au fond de la fosse. Pour affronter la vie, faut de la force. Ou le mal à t'approcher à coûter que coûte. Lance 2-0-16 ma lègue. Regardez derrière c'est l'équipe. Radio la 25ème tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao Jounès. 22h minuit. Radio-Sud.net 101.8. C'était Mirsad KDLR. Gros morceau. Encore gros big up aux équipes, gros big up à mon 90-10. Là, on va enchaîner par un petit son qui fait bien plaisir. Donc, ça sera Bonkar Jones en featuring avec moi-même sur une prod de Stradivarius. Donc, n'hésitez pas à aller pécho la mixtape du frérot Jones. La mixtape Vertigo, elle est disponible en stream, en tout ce que vous voulez. Vous pouvez aller pécho ça partout. Le truc est super lourd. Le frère est super lourd et ben merci à lui de son invitation, c'est lui qui a choisi le morceau. Donc big up à mes frérots Jones et Stradivarius. L'assassin. Je n'ai jamais trop capté leur délire cool. J'ai que t'as passé des prods depuis la school. Aucun bus sur mon route, pas d'Oscar mais Platoon. Trop tard ma puce pour la villa, faut win l'auto. Postiché pour l'IEPI. Et c'est déjà d'ouvrir les portes avant de briser toutes les vitres. Vider des douilles c'est facile. Chargé de sang c'est autre chose. Non vraiment aucune magie. Du réel sale dans l'entrepôt. Entends les fractures d'eau. Que d'un seul œil je vois d'où. Lâche plus de 400 cartouches avec mes noirs du haut. Pirate comme Stradivarius. On lâche du sale avec bon carrière. TV avec le bon char quand ça part tu. Drapeau noir avec un crâne opaque. Calcine de la frappe au mic en patron de bar. On casse le bras si Stas qui t'a eu. Bon, si on s'esquinte c'est pas gratuit boy. On tord d'un œil comme l'avarice. Ici le rallye ça lui quand. La brique anime la discorde. Charismatique, ma vie d'or. Fait grand bus comme un Marine Ford. Yo, P.O. P-O-R-G-N-E. Mais fuck les poires et les N-E. P-O-R-G-N-E. Mais fuck les poires et les N-E. P-O-R-G-N-E. Mais fuck les poires et les N-E. P-O-R-G-N-E. P-O-R-G-N-E. G-N-E. Yo, j'fatigue à force de regarder le néant en face. Trop de requins et de gardes, des games et l'état ressemble à des putains de farces. Marche sur des œufs, en esquivant les pièges dissimulés à tes yeux. T'auras ce que tu peux toucher, jamais ce que tu veux, ni ce que tu mérites, ils s'en foutent de tes vœux. En partant de là, m'attends pas, j'vois pas pourquoi ça parle tant que ça. Après chaque attentat, ils m'attent mal ma barbe. Et moi j'rêve de rentrer au Wakanda, mais t'as pas de scandale. Quand j'te dis qu'on ne récolte que ce qu'on sème. La mort, la guerre et la haine, viens pas me demander quand est-ce qu'on sème. J'voulais le coup de la grande brune du cinquième, des liasses de 500 par douzaine. Le blé de Saddam Hussein, j'ai des bleus et des acouphènes. Yamazaki dans la coupelle, j'accueille mon destin à coup de peine. Le ciel sec, les poches percées se remplissent pas vite, même quand on les comble à coup de peine. Bon, j'garde un œil fermé pour mieux fixer l'autre sur mon objectif. Si j'observe toute la merde qu'ils font, ça va m'obliter le kiff. Bon, ainsi j'évite de voir mes propres contradictions. Kiffe le son, restez focus, c'est la tradition. P-O-R-G-N-E, mais fuck les poires et les N-E. P-O-R-G-N-E, mais fuck les poires et les N-E. P-O-R-G-N-E, mais fuck les poires et les N-E. P-O-R-G-N-E, P-O-R-G-N-E, G-N-E. P-O-R-G-N-E, mais fuck les poires et les N-E. P-O-R-G-N-E, mais fuck les poires et les N-E. P-O-R-G-N-E, mais fuck les poires et les N-E. P-O-R-G-N-E, P-O-R-G-N-E, G-N-E. Hey, t'as bien fait de laisser la musique jusqu'au bout, hein. Parce que la guitare là, les deux, enfin la guitare qu'il y a là, c'est pas ça là. C'est joué, tu t'en sais. Non, c'est un sample. C'est un sample. Ouais, c'est un sample. Oh là là là là. Par contre, le premier gars. Ouais, il est pas terrible, mais lui on savait. Mais non, mais lui on est au courant. De toute façon, tout le monde est déjà au courant. Tout le monde est au courant. Tout l'Hexagone, tous les auditeurs savent très bien que le premier mec qui est parti n'est pas terrible. Ouais, c'est pas comme si c'était un truc. Pas folie. Non, c'est pas, c'était pas une nouvelle incontournable que personne ne connaît. Ça se voit, ils étaient là en mode. Ils étaient tous au studio, il y avait lui qui savait rapper. C'est qui rappe quoi, tu vois. Puis ils ont dit vas-y, viens frère, viens. Vas-y, viens. C'est parce que t'es là, on voit bien que t'es dans le coin depuis tout à l'heure. Ils m'ont fait croire qu'il y a un 16. Un gros big up au frère O'Jones, c'est Stradivarius, donc la mixtape Vertigo, disponible partout. Téléchargement, servez-vous, allez écouter ça. Le frérot, lui, les frérots ont fait, c'est de la dinguerie. À part quand certains commencent sur des morceaux. Allez, on va enchaîner avec le petit frère Meska. Meska, il est bouillon, il est chaud, pareil, il est pas assez mis en avant. Le refrain est énervé, il fait son job, il taffe dans son coin, il demande rien, mais il fait le taf. Donc le son, c'est Intempérie, Meska. C'est le gars de la section d'assaut qui... Non, pas celui-là, celui-là, on sait pas. On a... Non, arrête, pourquoi ? Regarde, t'as vu ? Tu veux que je rentre dans des débats ? Non, mais tu veux que... Miskin. J'ai fini. Ok. Austic Studio, taf l'armature, Snaco, feu vert, Meska. Je rêve d'une île resplendissante quand je mate le ciel en puissant. J'estime mes pertes au fond d'un verre, loin de vos morales et conseils épuisants. Fonce des comme d'habitude, sache qu'ici on vit si peu et que la richesse se fait attendre par ma tribu qui a mal sapé. J'aimerais laisser le passé derrière, mener une grande carrière, encaisser le gros salaire, partir d'ici et mettre la mi-falaise. Je suis l'un de mes rêves de grand sportif et de grosse voiture. Les temps sont durs, mes poches sont vides, papa je grandis mais j'ai la haine voiture. En vrai je navigue, crois-moi je galère pour garder le cap. Dans une danse avec le diable, j'essaie d'esquiver les faux pas. Mais faut pas que je capitule et change mes sales habitudes pour ma femme et sa mifa qui m'ont réveillé de l'abribus. Je me rappelle de cette époque, des Pokémon et de l'insouciance. Qui aurait cru, je m'en trouverais peu conscient. La laine qui pue alcool, encore un soir où je me coucherai. Nostalgique d'un temps fini où je réalise que peu de souvenirs survivent aux intempéries. Faudrait que j'arrête de ressasser le passé, que je vive au jour le jour, d'espérer des jours meilleurs et que je me donne les moyens pour faire une croix sur tout ce qui me hante et toutes ces merdes qui m'empêchent d'avancer sans renoncer au trop peu que j'ai, perdure dans ma lancée. Faudrait que j'arrête de ressasser le passé, que je vive au jour le jour, d'espérer des jours meilleurs et que je me donne les moyens pour faire une croix sur tout ce qui me hante et toutes ces merdes qui m'empêchent d'avancer sans renoncer au trop peu que j'ai, perdure dans ma lancée. On veut tenter de gérer nos vies ou du moins tout ce qu'il en reste, coûte que coûte puisqu'il y est coût pour faire honneur aux potes au ciel. J'ai vu se noyer mon potentiel au fond inversé désolant, moi qui croyais que mon ignorance m'abriterait d'une douleur existentielle. Pris pour un con et bon qu'à me vanter de mes méfaits. Si mon parcours vire à l'échec, je verrais pas mal de sourires apparaître. La tristesse apparente, tu sais qu'y'a rien de marrant. Du mal à dire du bien de moi-même, faudra que tu t'en contentes. Pas là pour mettre en avant ni glorifier ce que j'ai pas fait. Pour résumer le courant de ma vie, je conjugue mes verbes à la parfaite. J'ai rien de parfait ni d'exemplaire, je m'en excuse pour mon petit frère. J'arrive même pas à me téma dans la glace pour qui serais-je un modèle. Malgré tout ça, j'essaie de poursuivre ma route et ça sans faire de vagues. Vu que par chez moi la natation n'est plus sujet quand je prends la tasse. J'ai vécu d'un sale gamin, j'ai rien d'un petit poussel. T'as repensé que me foutre des pas me ferait retrouver le bon chemin. Faudrait que j'arrête de ressasser le passé, que je vive au jour le jour, d'espérer des jours meilleurs et que je me donne les moyens pour faire une croix sur tout ce qui me hante et toutes ces merdes qui m'empêchent d'avancer sans renoncer au trop peu que j'ai, perdure dans ma lancée. Faudrait que j'arrête de ressasser le passé, que je vive au jour le jour, d'espérer des jours meilleurs et que je me donne les moyens pour faire une croix sur tout ce qui me hante et toutes ces merdes qui m'empêchent d'avancer sans renoncer au trop peu que j'ai, perdure dans ma lancée. Radio Sud. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Aïe, alors, tu disais quoi? La minute à feu loup. Ouais, j'avoue, on parlait mais de vision. Oui, non, mais. Non, le petit ref, voilà, ça fait partie des petits refs ce soir. Voilà, j'ai passé beaucoup de personnes qui taffent dans leur coin. Encore un gros, une grosse prod. Ouais. Encore une grosse prod. Je pense qu'on est à 70% de grosses belles prods, tu vois, pas de la... Dans la sélection, voilà, quand même, peu importe les directions qui sont employées par les artistes et puis les appuis, tu vois, on a eu un peu de tout, hein, il y a eu du boom-bap, il y a eu de la trap, et peu importe la direction, il y a toujours quand même, voilà, quelque chose, tu vois, il y a une fibre artistique, c'est pas lâcher des mots pour lâcher des mots, c'est pas, voilà, il y a beaucoup de sérieux dans l'écriture, peu importe... Où ça part, il y a un sérieux, il y a du travail. Ouais. Merci pour cette intervention. Vous avez kiffé ou pas? Ouais, j'ai adoré. Je commençais à avoir des frissons. Ah non, là, voilà. Carrément. Fouah. Mes poils se sont hérissés. Et j'ai commencé à avoir des libellules, lui. Elles ont lui. Calme down. Des libellules. J'étais dans le noir, j'ai vu des libellules, lui. Donc, c'était Mesca. Ouais, le petit frère, Mesca, il taffe. Là, il y a des projets qui arrivent aussi sur lui. Il fait son bail et il avance bien. Méchant. Là, on va enchaîner avec Osterla Street. Le poteau Osterla Street, pareil, qui taffe dans l'ombre. Il n'y a que des mecs de l'ombre, il n'y a qu'un gros bail de l'ombre. Si, il y a eu quelques têtes. Osterla Street, ouais. Et le bail, c'est Ego Street, justement. Qu'on balance tout de suite. Les bails de Lucky Luke. Sur Radio Sud, la 25e, la petite chronique de Jojo ce soir. Spécial Selecta Jojo, on peut dire que c'était la Selecta Jojo. Hein, parce la sélection. The Selecta, la Jojo Selecta, comme à l'ancienne. Big up. Thank you. Ne donne pas ton cœur à celle qui donne sa chatte. C'est triste de se dire que l'accouplement s'achète. Me parle pas d'amour si t'as la jupe tachée. Y'a pas de sentiment quand tu vends le sachet. Viser toujours la lune même quand la nuit s'achève. Le sourire aux lèvres, j'détaille ma plaquette. Grosse plif au bec, l'état nous raquette. Cache ton visage, tu peux viser un bac. Ne te fie pas à l'apparence, tout le monde peut être un braqueur. Tu poses fait taire les jaloux, les rageux. Approche ta tête et suce mon majeur. J'démarre au car comme un peu ennemi. C'est le son des smicards et des dealers de nuit. J'meurs d'envie de tous les tartés. J'ai l'art du vice et la légende écartée. Y'a ceux qui fument la com et ceux qui fument la rareté. Votre carré de bulle, herbe aromatique. J'crée la surprise, ciseaux acrobatiques. J'pose allemand, machine allemand. Bombata de 40 comme une machine allemande. Tu veux goûter la rue, lèche ma paire de Nike. J'écris à l'état brut, ça sent la bastonnade. Toi tu rates depuis deux mois, tu fais la star du mic. Crois-moi, tu te feras niquer ta race, c'est ma soeur, tu mates. Braille et tout le monde peut le faire. Ah, boyer comme un vieux clébard. Avale mon ego street. Moi, je n'écris que des clés de bras. J'passe les rapports, accélère, rétrograde. Combien faut les fous mais ne vont pas en promenade. Traverse le terrain à la Kings Legoman. Toi me serre pas la main si tu passes la pommade. Lucarne opposée, coup du foulard. Depuis quand les rappeurs étudient à Poudlard? Autodidacte, lâche que des inédits. La vitesse de Neymar, le talent de Zinedine. Fais pas la grosse bite si tu n'as qu'une tétine. Département séduite, grosse totard cinétique. J'mets tout le monde à terre comme un fusil à peu bon. Elle finira célibataire si elle est juste bonne à pépon. J'mets tout le monde à terre comme un fusil à peu bon. Le blast c'est austère, la scribique et parole du béton. Le blast c'est austère, la scribique et parole du béton. Radio Sud. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis, 22h. Jounès. 22h, minuit. Radio Sud.net. 101.8. C'était le poteau Auster La Street. Sur le bail Ego Street, pareil. Le poteau, il taffe ses trucs. Il n'y a pas de date, il n'y a rien, mais les choses se font. Les choses se préparent et avancent comme il faut. On est là. Sinon, Jounès. Ouais. Tu vas arrêter de me les briser. Dis-nous tout. Auster La Street, non, c'était cool. Ok, merci. Merci. Non, non, t'avais une question. Ce soir était. Chaque. Attends. Il y avait. C'est des interventions millimétrées. En fait, si c'est pas Just Listen ou Fidji, faut pas lui parler. Ouais, c'est ça. Tu sais, il va redemander, ouais. Tu vois. Il va redemander, ouais, mais comment. Comment moi je veux la prendre à Jimmy, je veux. Non mais comment tu vois c'est. C'est comme si je faisais un titre. Il digère. Voilà. Il digère. Voilà, voilà. Non mais allez-y, allons-y. Non allez, on enchaîne avec Killy et Sapo. Pas de repas. Killy et Sapo? Ouais. Non, Killy et Sapo. Sapo? Ouais. C'est une. C'est... Le book kick. Ok. Il s'appelle Sapo? C'est le blaze. Ok. Pas de repas. On s'est un peu trop avancé. C'est quoi le nom du morceau, ma gueule? Pas de repas. Pas de sur repas. Une prod de Gaturin. Ah. I don't know. Ça fait partie des petits bugs. Pareil, pour les petits bugs de soir, désolé les potos, mais dans tous les cas, comme on vous a dit, de toute façon, les sons repasseront dans l'émission. Pardon, c'est bon, en fait, c'est moi, je bug. Ah, le bail est là. Ah, c'est finalement ça. Ting chang chong, ting chang chong, tiens, non, mais soir, on avait quelques réglages. C'est la rentrée de vacances, il y a quelques réglages, c'est comme ça. Mais c'est pas grave, gros big up, et on enchaîne tout de suite par le 11. Quoi? Par le 11. Pas de repas, ça pose. Allez, ça pose maintenant. Gaturin. Bang, bang. Je pète les plombs assez souvent. Un peu comme This Is La Déjà Fait. Ça tourne un peu comme à Losange. Ma vie n'en sait jamais la fête. Ça tombe toujours sur le même thème. Et jamais je me demanderai pourquoi. C'est si fort que le mal-être j'aime. Je l'abandonne pour quoi que ce soit. Je sais que je suis peut-être un peu perché entre les cachetons et la son bois. Les promis mes pieds touchent la terre. Surtout quand t'es venu l'heure de boire. En gros, un peu 24-24. 7 sur 7, je me retrouve cloué. Ça pose surtout quand l'heure est sale. Parpent en sucette même bourré. J'ai assez touché le fond comme ça pour détruire mon corps encore. Je parle jamais de mon handicap. Il est léger, même pèse à mort. Si tu me crois, tu me trouveras farouche. La dégaine assez anormale. Le regard vide comme ma bouteille. Le petit canon côté costal. J'arrive à gérer les coups durs. Exploser même chaque étape. J'ai le cerveau assez fragile depuis que je me suis rempli de pétards. Bah ouais, je me suis assommé. Ça, je pense que tu l'as bien compris. Et chaque fois que j'ai pas sommé, je finis le jour comme un con triste. Fin de journée, fin de pétard. Je commencerai demain par un son triste. Fin de clébard. Je croque mais ça le fait pas. Sale journée donc ça le pleura. Je romancerai bien sur le fond de la piste. Quelques bacs et ça le fera. Quelque part c'est facile, pas comme trouver l'air pur. Quelque part tu vacilles, qu'ils sont dark les verdures. Sale soirée donc pas de repas, un verre une pastille. Le sentiment d'être relax, mais que se passe-t-il? C'est jeune au quartier, rapide, de jeu à casse-tête. Des jeunes aux Aztecs, cachés sous la casquette. Période creuse, puis inspiré, j't'amuse quand même la cabine. Y'a le ref qui arrive en bas, chérie, bouche les oreilles de la gamine. Y'a pas de vigile au studio pour séparer. Je pète à mes démons, préparé de cacher. Je sens l'angoisse qui démonte. Des nuits de folie, mais pas dans le pieu. Parlons peu, je réveille dans le lit d'un ballon. Je me suis mis la balle dans le pied. Pourquoi me mettre dans ce monde? J'ai pas de place. Pourquoi me mettre en seconde? J'ai pas de classe, je regrette des péchés, parcours de merde, toujours debout. Je suis peut-être dépiégé, des cours de merde, des casseurs de couilles. Ça arrête qu'avec des frères, ça baisse des oreilles, oui je kiffe. Ça rate pas pour l'oseille, mais si j'en ai, oui je kiffe. J'suis pas la pire des races parce qu'on a tous la même. Seul, je préfère me noyer dans mon pleurat parce qu'on a tous la mer. Fin de journée, fin de pétard, je commencerai demain par un son triste. Fin de clébard, je croquais mais ça le fait pas. Sale journée donc ça le pleura. Je commencerai bien sur le fond de la piste, quelques bacs et ça le fera. Quelque part c'est facile, pas comme trouver l'air pur. Quelque part tu vacilles, qu'ils sont dark les verdures. Sale soirée donc pas de repas, un verre une pastille. Le sentiment d'être relax, mais que se passe-t-il? Fin de journée, fin de pétard. Fin de clébard, je croquais mais ça le fait pas. Sale pleura, je commencerai bien sur le fond de la piste. Quelque part qui ça le fera. Quelque part c'est facile. Quelque part tu vacilles. Sale soirée donc pas de repas, un verre une pastille. Le sentiment d'être relax, mais que se passe-t-il? Fin de journée, fin de pétard. Je commencerai demain par un son triste. Fin de clébard, je veux croquer mais ça le fait pas. Sale journée donc ça le pleura. Je romancerai bien sur le fond de la piste. Quelques bacs et ça le fera. Quelque part c'est facile, pas comme trouver l'air pur. Quelque part tu vacilles, qu'ils sont dark les verdures. Sale soirée donc pas de repas, un verre une pastille. Le sentiment d'être relax, mais que se passe-t-il? Radio Sud. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Et donnez-leur à manger à ces jeunes. Ouais, putain, t'es génial. Donnez-leur à manger. C'est le son, pas de repas. C'était la blague de Jounes. On peut applaudir. Bravo, Jounes. Bravo, les efforts. Il y a plus de trois mots dans son. Dans son. Ouais. Il a travaillé son bail. Non, t'as travaillé ton job. Fais scotiser, tu vois, je crois. Gamin. Il a travaillé son job. Voilà, c'était les petits refs, donc pareil, ils bossent. C'est que des bosseurs. Ce soir, j'ai passé que des bosseurs. Ils sont français. C'est bien. C'est bien quand même, non? J'en connais qui sont pas français. Tu vois? Il y en a certains qu'on posait, tu vois, no pepper, tu vois. No pepper. Ils habitent le pays. C'est le principal. Allez, on va enchaîner avec Nerf Vif. C'est son freestyle zen issu de son premier OP, Le Nerf de la Guerre, qui va arriver bientôt. Là, ça va. Là, il y a des trucs à entendre. Alors, gros big up. Vas-y, dis, j'ai une question. Ouais. Est-ce que pourquoi on est toujours obligé d'avoir le rappeur qui fait il sort le nom de son projet, c'est un jeu de mots avec son blaze tout le temps. C'est quoi ce délire en fait? Pourquoi? Parce que ça fait pas mal apparemment. Sinon ça serait pas fait. Tu sais, il y en a il faut encore tu sais des genre des trucs où c'est systématique, système tu vois. Alors en gros, je vais te dire vaut mieux faire des mixtapes avec son blaze un peu énervé, frère. T'as vu, parce que il y a des trucs pires, tu vois, ou trop, tu vois, où il y a la rime, où il y a les rimes qu'on a plus le droit de faire, qu'on a pris quart de nos cahiers. Non, mais voilà, c'est une question que je te pose à toi, toi qui es un ancien, tu vois. Tonton. Non, mais c'est bon, c'est bon. Non, frère, voilà, tu vois, mais moi je pense que ça fait pas mal, tu vois, c'est au moins c'est un concept qui ressemble à l'artiste, au personnage. Et ouais, c'est pas non plus une mode, tu vois, bah, comparé à d'autres trucs que je disais, tu vois. Il y a des blazes aussi, il y a des gens qui... Bon, bref. Ouais, mais bon. Après, nerf vif, zen, détente. C'est ça, justement. Ouais, non, mais oui, non, le contresens d'envoyer une patate en la liftant, ce qui va casser la pommette. Nerf vif. Freestyle Zen, issu de son premier EP, Le Nerf de la Guerre. Voilà, Le Nerf de la Guerre. Ok. Nique ta race. Zen, zen, zen. Nique ta race, toi. J'arrive. J'arrive. Nerf vif. Faut que je reste zen. Non. Zen. Le Nerf de la Guerre. Faut que je reste zen, zen, zen. Faut que je reste zen, pas faire de peine, pas prendre des ailes. Rends fier à ma soeur et mes frères, rends fier à ma mère et ma femme. Je ravive la flamme, ça fera l'affaire. Faire et se taire, ça fera la paire. J'attends pas la paix, toujours là à l'appel. Je sors mon calepin, pas besoin de scalpel. Je reste zen, je le rappelle. À ce qui paraît, les langues de pute mettent la forme. Déjecte la ligne, les vendus se mettent à mordre. Faut mettre de l'ordre dans le désordre. J'accepte pas tes ordres, chacun a sa corde. Faut pas qu'elle se torse. S'il y a un nœud, c'est là que ça se corse. On torse aux règles du jeu, ça devient short. Tu prends la porte de manière forte. Porte en censure tous des censures. Ça vole un tue, ça devient trop tendu. Y'a tout qui nous tue, mais on reste à l'affût. Oui, on lutte, tous le même but, on attend que ça chute. Trop de tepus ont voulu me cacher. Je vais les scalper, ça y est, j'en ai assez. Je vis à te taire, que des aspects, ouais, y'a rien à gratter. Pourtant, je suis français, mais j'ai pas le même accès. En France, on m'insulte de ça à l'arabe. Et au pays, on me considère comme un tout bas. Et pour sonner ça, y'a pas de tout bip. Je le redis, je reste zen, mais je suis pas délicat. Avec des cas sur le beat, on te calme. Pour que tour de passe-passe, nous on reste efficace. Oh, je vois que les mecs n'ont pas compris, frère. Beaucoup d'MC vont se faire tout petit en merde. Faites des tours l'accent, puis qu'on les fasse tourner comme des toupies. Depuis tout petit, on joue ça comme du pire. C'est le nouveau phénomène qui te chaque ta place. Bienvenue dans mon domaine, c'est nerveux, c'est ça. Plus voleur de Vespa, mais je me donne en spectacle. Du grand freestyle, rap son gilet pare-balles. Bah bah bah bah, je n'ose pas de présage. Bah bah bah bah, je te montre mon vrai visage. Qui encaisse les pistaches. Si, qui avance, qui parle cash. Qui est, tu sors du pays de Bambi à la maison, t'es en gris. Et tu joues les bandits pour le reste, pour la daronne, oui. Celle qui t'a fait naître, tu fais les grands jets. Et tu crois le best et tu retournes ta veste alors que tout le monde te baisse. Baisse. Oh non, fumez Marie-Jane, fumez mandarine. Pour que la rime fascine, vas-y Ken Marine. Zen, zen. Oh, j'vois que les mecs n'ont pas compris, frère. Beaucoup d'MC vont se faire tout petit en merde. Faites des tours l'accent, puis qu'on les fasse tourner comme des toupies. Depuis tout petit, on joue ça comme du pi. Radio Sud. La 25ème, tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Radio Sud.net 101.8. Aïe. Donc le poteau nerf vif, freestyle zen, t'as vu? Tu vois, le freestyle était zen, gros. Ouais. Il annonce, issu de son premier EP, Le Nerf de la Guerre qui arrive bientôt. Le truc va gifler. Le poteau est énervé. Et tous les titres vont être énervés, frère. J'ai un petit titre pour lui, tu vois. Énervé, continuons dans les... Merci. Jeu de mots. On lui enverra. Merci, Tunes. Voilà. On a pris ta remarque en compte. Allez, on va finir ce soir avec le Boto Gulti. Le Boto, hein. Je fous le feu, extrait pareil de sa mixtape. Donc le Boto arrive, il est en préparation de son projet. Il va gifler, ça sera le... Dernier son ce soir après une grande sélection. Big up à tous les auditeurs. Big up à ceux qui écoutent. Restez branchés. Il y a peut-être une surprise à la fin. Je ne sais pas. Je me tâte. Je vais voir avec Jounes ce qu'il en dit. Car ce soir, on n'a pas dit grand-chose. Ouais, je pense aussi. La propagande crapuleuse. Ah ouais. Zoxen, Tisla et tous les autres. Ouais. T'as pas misé sur le bon cheval, poulette. Si tu veux te faire un billet, je suis pas un amateur de courbettes. Sur un plan incliné, je fais des rotations depuis que la merde passe en boucle à la radio. Les gitans m'appellent Gadjo, les rappeurs cultivent les nergumènes. J'allume vite une mèche, comme si c'était. décédé un cierge, à quoi bon prier? Quand aux yeux des autres t'es juste une merde. Je reste moi-même, contrairement à d'autres. Dans cette époque de fou, les commentaires qu'engraine comparent un zoo à une équipe de foot. Avenir un petit peu flou, mais t'inquiète, faut pas péter. Aujourd'hui tout le monde se fout de tout, et même les flics frappent les filles. Un bien triste théâtre qui rend même un psy dépressif. Depuis 2004, mes idées sont restées claires, nettes et précises. C'est plus possible que j'hésite, je suis un bouffeur de micro. Mon sapiens qu'attend que l'évolution nous transforme en microbes. Comme la corruption, pour la connerie de l'homme, y'a pas d'antidote. Un templier qui dort des principes qui dépassent tes convictions. Fiston, c'est plus le talent qui paye, mais l'image rémunère. À côté de ça, une vraie pute, on dirait du miel. La propagande crapuleuse crade à défaut d'un pouce four. Toi, tout droit dans le cul, mon majeur ou mon annulaire. Gros, j'fous le feu, les voisins appellent les pompiers. Taille du pout de gras, comme j'détaillerai des paupières. J'fais du tout fumant, à ta place j'fermerai les paupières. Ça perd l'hypopète, j'rime avec un coup tu manges. Gros, j'fous le feu, les voisins appellent les pompiers. Taille du pout de gras, comme j'détaillerai des paupières. J'fais du tout fumant, à ta place j'fermerai les paupières. Ça perd l'hypopète, j'rime avec accoutumance. J'ai pas la bonne échelle pour gravir leur palier chez moi. Le mérite n'a pas la même reconnaissance. J'me sens comme Steve, noyé dans le même panier d'un jeu d'échecs qui laissera place à des braises incandescentes. Même si j'ai certainement tort, il se peut que j'ai raison au-delà des réseaux. J'espère que mes semblables m'entendent. Les gens ont du mal à trouver de l'importance dans les choses, alors que dans les détails, toute chose s'avère importante. 15 ans dans l'underground, j'suis pas prêt de quitter. Viens dans mon bayou, loin des buts et tu veux nain de vipère. Ma jungle c'est joue mon G, sans avoir jeté les dés. Si tu fais preuve de gourmandise, tu vas vite te faire jeter. Maître d'armes pour toi, j'arrive comme un bambou dans le cul. La République en marche, il est trop tard pour que tout le monde recule. Quelques étincelles à coups de cailloux pour mes crapules avant le crabuche. C'est mon micro qui peuvent se mettre à sec. Gros, j'fous le feu, les voisins appellent les pompiers. Taille du pout de gras, comme j'détaillerai des paupières. J'fais du tout fumant, à ta place j'fermerai les paupières. Ça perd l'hypopète, j'rime avec un coup tu manges. Gros, j'fous le feu, les voisins appellent les pompiers. Taille du pout de gras, comme je détaillerai des paupières, je fais du tout fumant. À ta place, je fermerai les paupières, ça perd l'hypopète. Je rime avec accoutumance, gros, je fous le feu. Les voisins appellent les pompiers, taille du pout de gras. Comme je détaillerai des paupières, je fais du tout fumant. À ta place, je fermerai les paupières, ça perd l'hypopète. Je rime avec accoutumance, gros, je fous le feu. Les voisins appellent les pompiers, taille du pout de gras. Comme je détaillerai des paupières, je fais du tout fumant. À ta place, je fermerai les paupières, ça perd l'hypopète. Radio Sud. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Voilà, c'était pour la fin de ces sélections ce soir. Donc, je rappelle tous les potos qui n'a pas pu passer le son, vous inquiétez pas, ça sera fait ultérieurement dans les prochaines émissions. On vous oublie pas. Gros big up à tous ceux qui ont suivi. Gros big up à tous les potos qui ont envoyé leur son. Ce qu'on a passé, big up à toutes les équipes, tous ceux qui charbonnent, qui font de la musique, qui restent des artistes avant tout, qui taffent pour l'amour du mot, de l'image, de tout ce qui va avec. Donc ce soir, exceptionnellement ce soir, pour finir la petite chronique de Jojo, c'était la première pendant 2 heures, donc je suis encore en montage. Excusez les petits décalages, les petites coupures, je suis encore en montage, mais gros big up à tous ceux qui supportent, qui ont supporté la première saison de la 25e. Merci à Shao et Jounès de me laisser plus de place pour m'exprimer à l'intérieur de l'émission. Dédicace à toutes les équipes partout en France, tous les gens qui galèrent. Pensez à ceux qui n'ont pas de quoi manger forcément tous les jours, on en parle, on le dit aussi. Et voilà, on va finir sur un petit freestyle. C'est exceptionnel ce soir. Un petit freestyle pour finir la chronique à Jojo. Bonne soirée à tous et au mois prochain. Écoute ça. Écoute ça. Ok, Je suis Renoir rempli de bleu comme Jérémy, de divers hématomes. J'ai le cœur en piteux, état vide. Dans les carreaux, j'ai pris le chemin de l'abattoir vide. Connu la bagarre que je préférais baiser du skin du cash avant ta bata. J'ai pas attendu sur la chance, non, cette pute n'a pas de face. J'ai charbonné le mic autant que mes sitars sont les faits de balles. J'ai fait gaffe, est-ce qu'il est jeu, pied, il est jaloux. Les jets de pierre et les cailloux dans la bataille. Comme un marge, j'ai fait le choix d'être à la chaque fois. Jamais le genou à terre à part aux gemmes. Où j'assave, je cognais l'asphalte avant la gingra. Foutais le dawa avant la jada scolaire. J'étais froid avant l'âge de glace. J'ai prévu de plier ça grave. Pour ça j'avais prévenu les oreillons des murs sur du papier journal. Niquez parade, vire tes balles naves. Et tes outils, je suis irréparable. Arrache tes groupies, j'ai pas de copie qui part dans l'inégalable. Wesh cousine, je rappe les boulis d'une tonne de marbre avec un petit décalage. Comme dit Baba, roule un petit, c'est pas grave. Je vais pas te piquer ta place. Je vise plus les caras, ils espéraient une pluie d'ailes. Ma plume les canards. Musicalement au vu de mes tagas, ton game est passable. N'en voûte que les petits frères qui veulent se niquer la life. Un petit démarrage, je passe des nuits écarlates à kicker le mic et la taille. Et pour sortir des fâches, décide des canards. Fume du canard avec ma clique de Panam ou Bar by Night. Tu nous cherches, on est par la malade. Vas-y par la marrage, j'opère à l'arrache. Sans avoir la main large, colle au nombre 13 comme un gars de la Mara. Non, y'aura pas de balade, que des crochets salaces. Comme dit Laco pour décrocher, en cas de danger, ça rame. Je viens ambiancer le vacarme. Dis-moi quand c'est la paix, genre c'est la fête. Comme si mon son allait faire des pensées lavares. Y'a encore du temps là, Chao. Bien sûr. T'es au 2S. 6 mesures. Je connais pas les notes, j'écris des rimes avec des fautes. Tu jugeras tes potes à la limite pour ce qu'ils t'apportent. Moi je suis pas la poste, les messages passent même de force. Un pas de travers et je te barre du cercle comme liste de course. Plus Heisenberg que Pinkman. Le cash à part ça vient comme la balle au ping-pong. Pas de beer pong, j'tise toute la night, tes potes attendent. Tu vomisses pour niquer ta femme. J'grade des lignes, j'sais que t'écoutes atterrir. J'ai gradé vite, toi aussi, mais t'as usé de ta salive. Dans mon délire, y'a pas d'ampoule mais du génie. Je t'ai dit de suite, va te faire foutre avant que ça t'arrive. Je me mets rien dans le pitch, fais un gros spliff, t'es un Yankee. On parle en chiffres, les politiques des abrutis qui sortent de la carte, la Palestine. Et c'est pas le pire de tout savoir, ça te fait peur. Tant que tu peux partir en vague, ça va, ça peut le faire. L'humain régresse jusqu'à sa perte pour de l'oseille, hey. H24, tu regardes hôtel, il faut que tu te réveilles. Rien t'intéresse sauf quand ça te concerne, évidemment. Pour faire face au stress, alcool, drogue, médicaments. La terre elle tourne, mais on est tous à contre-sens. Pourquoi ? Quand le feu il fout, les politiques baissent les dépenses d'État. Si tu pèses lourd, tu n'es qu'un pur dans le meilleur des cas. Ceux qui découvrent écoutent avec le doute, mais ce qui est vrai est là. Eh eh eh ! Synchronisé. Radio Sud. Chaud, chaud les mecs. La 25ème. Tu veux que j'en mette une autre ? Oh oui. C'est ça mon gars. Allez, ouais, je sais pas, moi. On va finir en se faisant plaisir ce soir, oh, simplement. À retenir, premier texte que je ne bug pas dans la 25ème. Tu veux une médaille Jules. Oh, quand même. Jules, c'est à toi. C'est à retenir. C'est à moi. C'est à Junes, là. On écoute. Écoute. Ouais, Junes, à toi. C'est quoi? Je fais quoi? Je mets pas? Bah c'est quoi? Ça c'est une inspire là qui est. Ouais. Allez Alvaro, t'attends. Bah moi je peux rap plus, moi. C'est qui Alvaro? Oui, il vient de rentrer dans la pièce. Ok, d'accord, ok. C'est le premier texte que je fais que je bug pas. ça à retenir quand même. J'ai pas bugué. Allez Junes. Ouais, c'est vous les rappeurs. On casse ça en direct de la 25ème. Encore une fois, c'est RTZ, j'arrive au mic, toujours on m'appelle. Je représente pour Chao Junes. Encore une fois sur le beat, qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est Paul de Ruggles, c'est Paul de Juice. On pose au mic, c'est de l'impro. Encore une fois, c'est RTZ, ouais, c'est juste un pro. Je m'amuse au micro depuis l'époque des pogs. Encore une fois sur le beat, c'était ce petit Renoir qui te volait ton goûter à l'école. Je reviens, je nique les codes, on égo, je nique au MIC comme on ref négo. Encore une fois, les MC sont initiés, on sait. Demande à Junes, encore une fois, demande à TO2S. Encore une fois sur le beat, ouais, j'en viens carter l'autoguerre. Tour de magie, tous ces gens me prennent pour un grand fou, j'imagine. Nique la fille de ta grand-mère, c'est dommage. Faire du rap, c'est trop facile, c'est comme un jeu. Un peu lent, mais bon, bref, yeah. Mais j'ai pas le temps de play my man. J'te ken moi-même, vas-y bitch, we say my name. Ceux qui m'amènent, c'est des blondes de grosses mamelles. Plein de billets verts, en abondance dans ma malle. Merde, gros, I did it again. En cabine, je suis armé, donc je did it again. Un coup, un orgasme, deux coups, deux. Y'a pas d'aiguille dans le foin, je viens pour en découdre. Baguette magique, la concurrence disparaît. Ils se prennent pour les bestes, pourquoi ils disent tous pas? Ces imbéciles ont tous le même follow. Insta, Twitter, y'a Peck, mais qui me follow for life. Pour le buzz, les MC sont devenus sexy. La trappe les a sauvés, dis-moi pourquoi ils s'excitent. Moi je pense à sortir ma net tape après ma mixtape. Et en cadeau ma sex tape. J'ai déjà le titre Gang Bang. J'écris tous mes hits quand je bande. J'ai déjà le titre Gang Bang. J'écris tous mes hits quand je bande. Chaud. Junes. Maman Dieu. C'est pas moi, maman. Eh, ça fait. On attend que la prod repart. Deux. Si elle repart. Deux. Bah, elle repartira pas, je vais changer, gros. Pulup. Bon. Directement. Directement. Pulup. 23h58, on est toujours sur la 25e, on s'est balancé un petit freestyle. Pour finir, la petite chronique à Jojo, on se fait plaisir, des impros, des textes. La chronique de Jojo. C'est ma rhum. La 25e. C'est ma rhum qui joue le piano. Là. Maman, quand tu veux, tu lâches des textes. Maman, bien vu. C'était chaud. C'est chaud, Jones. Putain. Oh, il a. Le retour. Il a cramé ça, quoi. Il est revenu. Album bientôt dans les vagues. Il va pas rapper, on dirait. Il fait déjà nuit quand j'écris. Un froid en choper la crève. Pense à ces gens qui vivent dehors, qui se battent en attendant la trêve. J'ai les paupières qui se ferment. J'espère faire un rêve. Je pense à toutes les choses de l'univers qui pourraient me satisfaire. Je vois des gars qui se perdent entre paradis et Lucifer. On mélange pas la prière et les faits divers. Je me prends pas pour un exemple pour les petits frères. Non. L'homme est bon et mauvais en même temps, il faut s'y faire. Dans 100% d'un être humain, y'a peut-être 40% de bon. Le reste est fait bouffer par un démon. Je vois les petits se barrer en couille jusqu'à l'adolescence. Y'aura plus de questions d'amitié si pour tes mons faut les descendre.